à l'intérieur de la maison. Porte ouverte. Porte du derrière, ouverte, ouvrir. La porte du derrière. Bon, maintenant, là, il y a certaines maisons qui n'ont pas la porte. Là, vous n'avez pas le choix. Il faut forcément une porte qui s'ouvre. S'il n'y a pas la porte derrière... Sans vous couper la parole, vous m'excusez. Admettons, si on a une grande fenêtre comme celle-là, il y a le balcon, bien entendu. Vois, vois. Et puis, on ouvre... C'est valable derrière. Ou pas? Probablement. Mmh. Mais il va sauter par le balcon ou je ne sais pas. Ah oui, vous imaginez que votre parent, normalement, va venir. Ouais, j'arrive, ma fille. Et le pauvre, de fois, il est infirme de son vivant. Bon, non, c'est pas grave. Je sais pas. Adaptez le rythme par rapport à vos réalités. Mmh. Okay? Ils ne vont pas vous en vouloir. Parce que, souvenez-vous que dans la pratique des rites ancestrales, qu'est-ce qui compte? Deux choses. Sincérité. Le geste et l'intention. Le geste et l'intention, c'est tout. Hein? Ah, il ne va pas compliquer parce que la porte était au filet, en haut ou en bas. Donc, vous ouvrez la porte centrale, personne ne va rentrer. C'est ce gestuel-là, merci. Mais en réalité, même dans la vidéo, quand je l'explique, c'est pour la porte du derrière. Mm. Et là, je parle même de coupole, souvenez-vous. Mais là, ce sera dehors qu'on fera toutes ces cérémonies-là. À la maison, on n'a pas besoin de coupole. Et j'expliquerai ce que c'est coupole, pour ceux qui ont oublié. Donc, tout est fait, le vin, le rhum, c'est pareil, et un peu dans chaque verre, et puis vous laissez les bouteilles là ouvertes. Okay? Et le jus, c'est pareil, vous faites la même chose. Non, les jus, vous n'avez pas besoin de verser, c'est sous le rhum ou le vin, tout ce qui est alcool. Les jus, vous laissez là, tout est là, la nourriture est là. Maintenant, vous parlez. Vous continuez votre discours. Continuez à parler. Voilà, j'ai fini. Je vous ai donné. Je vous ai expliqué mon problème, je vous ai amené la nourriture. Mais là, il faut maintenant rentrer dans les détails intimes. Toi, mon oncle, ma Bako, je sais que tu aimais beaucoup boire le vin de palme. Voilà ton vin de palme, il est là. Toi, ma tante, tu aimais boire ta regarde. La regarde, elle est là. Ah, mais toi aussi, mon oncle, là, toi et moi, on se bagarrait tout le temps. Oublie ce passé-là, s'il te plaît. Je viens par l'occasion te demander aussi pardon. Voilà pourquoi je t'ai offert ceci. Voici la nourriture que vous avez là, tu l'as mangé. Grand-mère, tu aimais manger la boîte, les sardines fumées. Je te fais un bouillon de sardines fumées. Avec le piment, j'imagine ton sourire, tu es très contente, merci beaucoup. Le manioc, je l'ai amené, le manioc odeur, j'ai amené, la banane, j'ai amené, les quelques feuilles de ndolé, j'ai amené. Tout est bon pour vous, merci beaucoup de pouvoir accepter ce repas. Mais voilà mes doléances. Maintenant, si vous oubliez, c'est mieux d'écrire toutes les doléances sur papier. Vous allez tout écrire sur papier ce que vous désirez exactement. Mais en commençant par la doléance la plus prioritaire. Première priorité, emploi ou bien première priorité, protection ou bien première priorité, miracle financier ou quoi que ce soit. Et la suite, vous donnez, vous mettez au moins quatre besoins. Ou au besoin, moi ce que je suggère, ce que moi je fais personnellement, je mets un seul besoin. Une fois j'obtiens ce seul besoin, je reviendrai répéter le rite une autre fois pour le besoin suivant. Parce qu'ils vont regarder la liste, bon, certains vont commencer à s'énerver. Laissez un seul besoin ou bien parler seulement un seul besoin. Donc, vous dites, voilà. Je suis venu vous honorer. Voilà le besoin que j'ai. Une situation qui date de depuis longtemps. Et là, il faut penser intensément à celui qui était votre complice. Si c'était votre grand-père Ngando qui vous aimait beaucoup, qui vous donnait tous les pouvoirs, c'est à lui maintenant ou à elle qu'il faut beaucoup penser et dire surtout toi, oh. Surtout toi, papa Ngando, tu te rappelles? Nous avons notre amitié quand tu vivais. Vraiment, c'est toi que je vais envoyer devant ce dossier-là. Et vous aussi, là, il faut vous autres, là, tous. Du côté de mon père et de ma mère. Si le côté de leur vivant, les deux familles ne s'entendaient pas, ne mélangez pas, donc. N'osez pas. Parce que c'est pareil dans le monde invisible. Ah oui, oui, oui. Si les parents paternels ne s'entendaient pas avec les parents maternels, ça, c'est un détail qui n'est même pas dans la vidéo. Profitez-en d'écouter. Vous ne pouvez pas, pendant que vous faites le rite, demander votre grand-père Baba Ngando, de s'entendre avec Agnanipio, qui est du côté de la maternelle, alors qu'Agnanipio et Ngando ne s'entendaient jamais. Ils vont dire, mais toi, tu es comment, on ne va pas venir manger ta nourriture, toi, tu nous invites, c'est pas ton côté. Voyez-vous, donc, vous dites à Ngando de s'entendre avec Baba, de s'entendre avec Eli Wanchori, là, vous citez seulement le côté maternel. Entendez-vous, vous me donnez les bénédictions. Et le problème, là, surtout toi, Ngando. Bon. Maintenant, vous du côté de mon père, là. Oh, Ababa, Baba, je me rappelle que toi, tu me faisais des confidences, on jouait ensemble. Quand j'étais encore toute petite, je me rappelle la bille que tu m'avais donnée, mais j'ai oublié. À un moment, si vous avez l'esprit très sensible, vous allez sentir la chair de poule et vous, il y aura un flash. C'est-à-dire, on va vous montrer un film qui est une réalité qui va vous amener dans le temps. Et vous verrez la bille et vous allez la voir même rire dans le plan astral. Moi, ça m'arrivait personnellement. Vous allez la voir rigoler, dire, mais voilà, tu es en train de rire, tu penses que je m'amuse. Donc, toi, Baba, entends-toi avec tous tes parents là. Hein? À toi, t'es avec Niwanchani, entends-toi avec Anyani Pio, entends-toi avec Mboyikende, tout ce monde l'entendez-vous. Mais par contre, si de leur vivant les deux familles s'entendaient, là c'est autre chose. Vous pouvez dire Anyani Pio et Anyani Kende plus Ngando, entendez-vous, s'il vous plaît. Donc c'est un détail très important. Oui. Flore voulait poser une question. Ouais, je voulais poser cette question de savoir, c'est comme le verre d'eau, à chaque fois qu'on fait, on demande quelque chose, quoi. Il faut à chaque fois faire à manger, à boire, et Donc on peut faire ça régulièrement. Oui, vous le faites aujourd'hui, une fois le rite est fini, vous allez dormir, rassurez-vous, personne ne vient là. Personne n'a le droit de toucher. Okay. Personne. Vous fermez. Si possible, vous fermez l'endroit, si c'est, vous n'avez pas une grande maison. Si vous avez une grande maison, fermez la porte, plaque à clé, tout fermé. Partez dormir, et puis terminez. Que personne ne se soucie, n'y pensez même pas ce que vous êtes. Maintenant, s'ils vous aiment, ils vont même se montrer en vous en rêve. Ils vont venir. Ils vont dire, ok, tout a été, c'est bon, c'est bon. Maintenant, quand vous venez le matin, vers 7 heures, alors vous ramassez tout, tout. Je dis bien tout. Même le whisky, tout ce que vous avez laissé là. Pas question de conserver ça. Vous prenez, vous mettez dans un gros sachet noir, direction poubelle. Le rite est terminé. Et refaire un autre le lendemain. Voilà. Non, si vous voulez, quoi. Mais pour un autre, par combien de fois? Oui. Un exemple, si je fais la cérémonie, est-ce que je peux prononcer le nom de mon mari? Qui est marié avec vous? Il est vivant. Non, mon mari. Qui était mort? Oui. Je peux lui dire, tu peux venir aussi, Marie. Oui. Bien sûr, vous étiez des complices. Oui. Oui, je sais. Tu l'aimes beaucoup, hein? Oh là là. Ben oui, vous étiez le complice, vous aimiez. Oui, tu peux l'appeler. Ah oui. Même votre épouse, hein? Ah oui, il n'y a aucun mal. Tout ça, c'est le rite de l'ancêtre. Donc, là, on a fini du côté de la maison. Vous ramassez tout où j'étais. Maintenant, côté dehors. Le côté dehors, c'est encore beaucoup plus complexe. Mais là, je vous simplifie toujours parce qu'on est ici. Retenez que tout ce que je vous fais là, je simplifie parce qu'on est ici en Europe. Même l'histoire de la porte, je ne m'en souciais pas trop parce que nous sommes en Europe. Donc, vous pouvez ouvrir même votre porte du balcon ou là, ils vont toujours venir. Mais en Afrique, c'est différent. Parce que nos maisons, on a toutes les portes arrière. Oui. Ça, c'est comme ça nos ancêtres faisaient. Je m'en souviens même quand ma tante, avant de partir, tante Nonché, elle faisait ça. Elle faisait ça toujours comme ça. Bon, maintenant, dehors, c'est le même protocole. Vous choisissez un endroit, possible. Donc quand je parle du dehors, je parle de deux endroits précis. Il y a le dehors qui est l'arrière de votre maison et il y a le dehors qui est la forêt, par exemple. Dans la nature. Tissu blanc, si possible à la natte, bien approprié, mais surtout tissu blanc ou feuilles ou quoi que ce soit, feuilles de bananier, c'est encore mieux. Les feuilles de bananier, si vous êtes en Afrique. Feuilles de bananier, vous installez bien, vous faites leur table avec les feuilles de bananier. Parce que c'est là que vous allez poser leur monture, au pied de l'arbre ou des arbres. Okay? C'est la même scène. Vous faites tout, vous déposez. Maintenant, la différence, si vous êtes au Gabon ou au Congo, ou je ne sais pas moi, en Afrique, vous n'avez pas besoin de... Vous aurez besoin de quoi? La torche indigène. La torche indigène. Mais quand vous êtes ici, bon, on n'a pas de moyen, sauf si vous en recevez une torche indigène ou deux, ça importe peu, une ou deux, même si vous avez une seule, vous l'allumez, vous la mettez là, pour éclairer ces aliments-là pendant que vous parlez. Et le rite se fait quand? C'est très important. Bon, vous pouvez le faire le vendredi, vous pouvez le faire en lune montante, oui, souvent, parce que c'est là où les demandes vont. Vous envoyez vos demandes en lune montante. Okay. Et c'est ça, en lune montante, que ce soit surtout un vendredi, c'est bon, en lune montante. Donc vous faites donc Vous avez tous les aliments, vous les mettez sur les feuilles de bananier. Mais ici, on est en Europe, on n'a pas les feuilles de bananier. Il y en a. Il y a des fleurs, oui. Ah ouais? Ouais. Ça donne pas. C'est des fleurs. Mais vous êtes gâtés ici. Ça bien, les feuilles de bananier. Ça ne donne pas de régime, mais ça donne les feuilles bien. Voilà. Donc, ce sont ces feuilles-là que vous devez acheter, couper, vous déposer. Et c'est là où vous allez déposer leur nourriture. OK? Vous les déposerez. Maintenant, si vous avez également les feuilles de chenou, c'est sur ces feuilles-là que vous allez poser la nourriture. Ozolo. Si vous le faites vraiment très bien traditionnellement. Ozolo. Ozolo, voilà, les feuilles de ozolo. Mais si ce n'est pas le cas, vous faites, prenez les assiettes plastiques, là. Et c'est là-dessus que vous allez poser. Maintenant, il y a des gens qui sont riches. Je connais un couple riche. Et ils ont carrément acheté des assiettes cassables, trop propres, qui sont riches, plutôt chères. Et ils ont mis les aliments. Ils ont dit non, ce sont nos parents. On va le faire manger sur des choses comme ça, moi. Oh, oh, oh, oh. J'ai du respect. Mon père était un homme digne. Alors, on se dit, oh, monsieur, ne vous fâchez pas. Faites selon ce que vous voulez. Vous avez les moyens. Il a dit, oui. Et donc, les pères, après, on jette. Les cassables, on jette. Ben oui, ils les jettent toujours. Ah oui, mais ils ont les moyens, eux, ils les jettent. Oui. Il faut les jeter les cassables. On ne les réutilise pas à chaque. Appeler les ancêtres de son père. Oui, le père de votre père ou le père de votre arrière-grand-père, oui. Si on connaît que le côté maternel et qu'on ne connaît rien du côté paternel et qu'on n'a personne pour vous dire, on n'est pas en contact avec un oncle. Ah, c'est-à-dire, vous êtes dans la situation où vous parlez d'une situation où la personne, par exemple, n'a aucune information de l'une des familles. Okay. Vous faites le rite seulement du côté de votre mère. Vous n'êtes pas obligé. Comme j'ai dit, il peut y avoir dissension entre les deux familles. Moi, mes deux familles s'entendaient très bien, donc aucun problème. Donc, quand je fais mes invocations, je mélange les deux, je mélange les pédales, il n'y a aucun problème. Mais si vous êtes dans le cadre où le côté maternel et paternel ne s'entendaient pas, maman détestait tellement papa parce que papa l'a abandonné avec vous et il est allé épouser une autre femme. Oh là là, ça crée des tensions. Quand les gens même sont morts, il y a eu des bagarres. Tel que le cas du pauvre capitaine Mbina. Oh mon Dieu. Voilà maintenant la pauvre femme qu'on menace. Et nous fait des fées. Ah là là, oh, des tiraillements. Les parents maternels, paternels. Les autres disent on va amener en Guinée. Les uns disent non, on va garder au Gabon. Les autres disent oh, abattoir là, oh ceci. Et ces genres de disputes là, vous allez évoquer ce type là, ce soir commencer comment, c'est un problème. Ah oui, oui. Il dira toi tu m'appelles, moi je ne sais plus moi, ma femme. Non, dans ce cas, faites seulement le côté qui était beaucoup plus attaché à vous. D'accord, oui. Concernant les lampes, torches ou les bougies, oui. On les éteint non. Non, non, vous faut les laisser consumer. Vous les laissez en consommation jusqu'au matin. C'est au moment où vous allez maintenant venir débarrasser. Vous allez sûrement avoir des teintes ou quoi. Vous n'allez pas prendre ce genre de bougies, hein, s'il vous plaît. Vous n'allez pas dépenser l'argent parce que. Ça, c'est des bougies de novembre hein, qui peuvent durer des semaines. Vous prenez les petites bougies. Même si elles s'éteignent, l'essentiel que le geste a été déjà fait. Et l'intention, vous l'avez déjà émise. Donc, il y a une connexion entre l'énergie de votre intention qui est déjà imbibée dans ces aliments-là. Et puis, terminé. Oui. Et pour la forêt, comment on peut pas laisser le feu en forêt? On n'est pas encore à la forêt. On est encore là. J'étais en train de m'apprêter maintenant pour derrière la maison. Donc maintenant, on va derrière la maison, disais-je. Vous avez soit installé le tissu blanc autour de l'arbre. Là, je parle, vous êtes ici en France. Vous installez donc le tissu blanc là. Maintenant, si vous avez des moyens, vous avez une tablette. Vous n'allez pas jeter la tablette. Hein? Bon, vous installez donc cette table, une table comme celle-ci, bien faite, là-bas. Mais c'est seulement tout ce qui est tissu, tout ce qui est accessoire, c'est tout ce que vous allez jeter, pas la table. Parce que la table n'a servi que de support. Tout comme dans la cuisine, vous avez fait vos aliments. Moi, j'ai vu une dame qui a fait dans sa chambre. Et puis, elle a sacrifié la chambre. Elle a dit, non, parce que la cuisine, oh là là, mon chien est trop désordonné, le chien va tout casser. Donc, elle a fait dans sa chambre. Et elle-même, elle est allée dormir au salon. Et elle a fermé la chambre à clé. Donc, vous pouvez le faire également dans votre chambre. Il n'y a pas de problème. L'essentiel est que vous ne dormiez pas là-dedans. L'essentiel est que quelqu'un ne vienne pas ouvrir. Ou bien aller pisser là-bas. Bon. Comment ça s'est passé là incantation. À propos du tissu, ça s'est bien passé quand elle est partie à la douche, elle n'a pas touché ça. C'était non, bien on n'a pas fait. Hein? On n'a pas fait hier parce que comme on était arrivé tard, moi j'étais déjà fatigué parce qu'elle ne va pas savoir faire ça. Quand on a, sinon on fait ça ce soir. Bon, non, moi, je suis... Pardon. Il faut battre les choses quand il... Pardon, je suis la tête... Il faut battre le fer tant qu'il est chaud. Ah oui, on est arrivé tard, mais j'étais fatigué. Parce qu'elle ne savait pas, elle ne savait pas. Bon, c'est pas grave. Don't worry, il ne faut pas avoir les bonnes têtes pour ça. Mais si on arrive lundi, avant que moi je prenne le... Parce qu'on arrive demain, demain soir, je peux la montrer comment elle doit faire. Ouais. À Barcelone, parce que moi, après demain, le matin, je pars déjà. Non, mais le rite est déjà fait, c'est bon. Mais là, je veux parler maintenant de ça là, il faudrait qu'elle le fasse. Hein, ok. Parce que souviens-toi, c'était question du rite, des ancêtres qu'il fallait faire après la séance de purification. Ok. Parce que là, on a fait deux séries, il fallait faire deux séries. Mm-hmm. La première, c'était la purification totale pour ce que la personne attend. Et ensuite, deuxième étape, il fallait maintenant que fasse le rite des ancêtres. Parce que ça, il doit le faire. Pour, par contre, la purification, ça c'est autre chose, ça c'est bon. Mais en tout cas, qu'elle le fasse ou pas, le plan est déjà lancé. Donc, retenez. Maintenant, quand on est dehors, soit vous prenez les tables, vous mettez votre tissu blanc, ou bien vous pouvez quand même mettre le tissu blanc, même le sol, et vous installez les aliments. Mais maintenant, la différence ici, c'est quoi? Les boissons que vous allez consacrer, au lieu de faire les quatre points cardinaux à gauche, à droite, c'est plutôt sous, devant l'arbre maintenant que vous allez déverser. À chaque fois que vous parlez, vous versez à l'arbre. Vous versez. Hein? Je vous offre. Ça, c'est pour vous. Je vous offre. Vous prenez la bouteille, vous déposez. L'autre bouteille, vous faites le même tour. Je le pose. Maintenant, si vous voulez encore faire trop comme les gangans, nous, on fait. Là, vous tournez autour de l'arbre. Et généralement, on ne tourne pas autour de l'arbre de la droite vers la gauche. Hein. Ne le faites jamais. C'est plutôt... Je vais dire, de la gauche vers la droite, non, mais c'est de la droite vers la gauche. Hein, c'est comme quand vous faites votre saut, c'est plutôt comme si, au lieu de faire comme si. Ah, il y a des tours qu'il faut éviter de faire pour... Bref, c'est des détails techniques. Donc, l'arbre est là, vous prenez le vin, le rhum, c'est pareil, vous parlez. Vous offrez, vous donnez, si possible, la limonade, et même l'eau, vous pouvez verser. Ça, c'est la différence. Vous allez verser l'eau à l'arbre, vous parlez. Vous versez la limonade à l'arbre, vous parlez. Maintenant, tout est prêt. Maintenant, la nourriture. Donc, vous faites la même répétition maintenant. Vous parlez maintenant. Une fois que vous avez parlé, parlé. Vous tournez votre dos. Vous devez encore d'abord lorgner pour s'assurer si vous avez oublié quelque chose. Non. Rassurez-vous que vous n'oubliez aucun détail. Quand vous avez déjà émis l'intention... Vous restez là d'abord, si vous hésitez, est-ce que tout est bon là? Tout est bon. Vous tournez. Bon. J'ai fini haut. Mangez haut. Aimez haut. Rigolez haut. Amusez-vous bien haut. Merci beaucoup. Merci pour les bonnes réponses. Je suis parti. Hé, j'ai oublié. Est-ce que j'ai mis la banane? Le rite a échoué. Ouais. C'est plus bon. On n'a pas le droit d'oublier, on n'a pas le droit de retourner. Ça, il faut retenir. Dès que vous avez tourné le dos, il ne faut plus regarder derrière. Parce que vous les avez déjà parlé, vous avez déjà émis les ondes. Tout est déjà là préparé. Et vous osez encore revenir. À supposer, parmi eux, il y a un qui avait déjà faim. Il mange déjà. Ah oui, vous ne voyez pas. Mais tout le monde sait que ces aliments que vous déposez, ce ne sont pas les aliments matériels qu'eux consomment. Mais ce sont les énergies. Donc, eux, ils les consomment déjà spirituellement une fois c'est consacré. Vous allez même sentir un moment, moi, je ne sais pas, quand ce qui m'a dit de le faire, tellement je prends trop longtemps et je dis, bon, je parle, je sens quelqu'un qui me dit, non, fais vite, parle, parce qu'il y a quelqu'un sur moi qui veut déjà manger. Quitte. Je dis, ok, bon, j'ai fini, c'est bon. Et puis, vous partez. Ne revenez plus, ne tournez plus le dos pour venir là-bas. Ok? Maintenant, quelqu'un m'a posé la question que les chats, les chiens, les voisins vont venir manger. Ne vous occupez pas. Vous êtes maintenant à la chambre, en train de vouloir dormir. Oh, les chiens sont en train de se battre. On veut vous le poulet. Ne sors pas. Non, ne faites pas ça, s'il vous plaît. Tous les esprits. Vous avez vu là-bas la forêt, non? Ah oui. Pour la première fois, je vois un chien qui me fait la tête comme ça. Je dis, mon Dieu, ça a commencé comme cette affaire. Je lui parle, je dis, ok, j'ai compris. Il dit, bah c'est. Même son maître en train de se demander, mais putain, qu'est-ce que ce chien t'a fait? Donc, même les chiens sont des esprits, rassurez-vous. Mais oui. Donc, laissez-les manger. Ça, c'est pas un problème. la nourriture, ils peuvent manger le poulet, ils peuvent manger la banane, mais les ancêtres ont mangé la nourriture énergétique qui sort de cette nourriture matérielle. Parce que la nourriture ne va pas disparaître mystérieusement. Vous reviendrez, vous trouverez la même nourriture, vous retrouverez le même vin. Mm-hmm. Mais ce sont les énergies, c'est déjà consommé. Oui, maman Dieu. Donc après, au sorti, quand on a fini ça, le lendemain... C'est le lendemain maintenant que vous allez descendre, avant d'aller à votre boulot, ou avant d'aller faire quoi que ce soit, rassurez-vous que vous ouvrez votre porte ou pâté derrière, et vous avez déjà la grande poubelle, on appelle ça, sac, vous mettez tout dedans. Sans trop vous poser des questions, vous chargez seulement tout. C'est encore, oh non, vous avez bien mangé, ou bien, c'est, non, ça, prenez, ils ont déjà mangé. Vous vous posez des questions, et vous prenez la poubelle, et vous allez jeter, et puis terminer. Même si les chiens auraient déjà tout mangé, mais quand même, il y a la saleté qui est la nettoyer. D'accord? Voilà ce que je peux vous dire sur les reins. Oui. Bon, en fait, c'est juste pour ajouter quelque chose. Mm-hmm. Souvent, il y a des gens qui ont l'habitude, en servant la nourriture, de goûter. Non. Cette nourriture-là, on la goûte. Non, non, non. Il y en a qui ont l'habitude, et quand ils servent, et puis ils goûtent. Ah, c'est oui, comme ça, si oui, mais c'est pour cela que j'ai demandé. Parce que chez nous, dans le boutique, quand on ferme les tables, c'est comme ça, tu n'as pas le droit de goûter. Non. C'est comme si toi, tu mangeais avant eux. Ah. Voilà, tu as mangé avant eux. C'est pour cela que j'ai demandé au niveau de l'alcool. Même l'alcool, tu n'as pas le droit. Oui, c'est là que je veux. Une bouteille de rhum, ce qui reste. Non. Voilà, d'accord. Okay. Et même c'est que certains initiés, Olovo, ou bien Mimbiri, ou encore Mbumba, bon, souvenez-vous que Romain, on prend, et puis, on fait ça. Mais pour les ancêtres ici, là, il ne faut pas le faire. Non, non, c'est pour eux. Okay. Consacré, c'est terminé. Mais si c'est pour Mbumba et autres, oui, on le fait. C'est quoi Mbumba? Le Mbumba, c'est l'histoire de la femme de nuit ou le mari de nuit. Mbumba et Yano. Mais comme j'avais fait, quand j'ai fait comme ça. Oui, mais ça c'était pour le Mbumba. Oui. Ça, il n'y a pas de problème. Oui. Ça, il n'y a pas de problème. Mais pour ce rite-là, des ancêtres, là, on n'est pas obligé. Donc, on va expliquer la pièce après. Mais si on a un grand seigneur, suffisamment grand. Quitter là, quoi? La pièce. Oui. Mais si moi, comment j'ai un grand appart, c'est pas. Mais l'essentiel, que ce soit isolé. Par exemple, souvent, j'ai suggéré aux gens qui sont dans ce qu'on appelle, chez nous aux États-Unis, on appelle ça appartement studio. C'est tellement long, ça peut être comme ça. Mais c'est vous qui divisez ça. Pièce. C'est-à-dire qu'il y a la cuisine là, tout est en une seule pièce. Il y a le réfrigérateur qui est là, il y a le salon qui est là, il y a le lit qui est là. Il y a maison ici. Ils ont maintenant ça ici. T'es grand. T'es grand. Bon, donc c'est studio unique. Donc quand vous avez ce genre de studio unique, alors vous faites le décoré. Hein. Il faut décorer. Allez, bon, là, c'est ce que je fais là où je ferai mon rite des ancêtres. Et en plus, un détail très important, si vous êtes marié, si vous avez un copain ou une copine, il ne faut pas vous chamailler, vous insulter, vous engueuler le jour où ce rite-là est fait. Ah, ça, c'est très important. Très important. Ah oui. Et même prévenir. Il faut être propre aussi. Ah oui, bien sûr. Il ne faut pas faire un golongolo. Non. Il faut être propre, tout doit être fait propre. Maintenant, si vous êtes en règle, cette nourriture doit être faite au moment où vous n'êtes plus en règle. Il ne faut pas préparer cette nourriture quand vous êtes en règle. Parce que ce sont nos ancêtres, ils les jugent ainsi. Quand vous êtes dans vos histoires de problèmes de lune, ou bien si vous êtes en colère, vous avez un stress, ne préparez pas, s'il vous plaît. Consigne très importante. Voilà. Vous êtes palabré. Vous voyez le cas, par exemple, sur cette dame-là qui vient là, qui m'a vraiment perturbé parce qu'elle veut ses 200 euros. Après, on m'a dit non, elle est partie à la police ou à la gendarmerie pour avoir son argent. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est, ces bêtises? Je lui ai dit de venir prendre l'argent ici. Alors, imaginez-vous, logiquement, si j'appliquais les principes, je ne devais même pas me mettre à parler des histoires spirituelles parce que c'est une perturbation. Mais comme mon esprit je suis capable vite de revenir sur terre et de me maîtriser rapidement. Il n'y a pas de problème, je vais continuer. C'est comme si rien ne s'était passé. Mais ça, c'était une perturbation. Et là, quand vous êtes en communion dans des choses comme ça, on parle des choses mystiques, vous devez arrêter. Parce que les esprits n'aiment pas être perturbés. Mais à cause de ça, j'ai dit non, on préfère retarder. J'attends. Or, et si puis, j'avais déjà commencé et que je m'occupais de ça, non, je ne devais pas le faire. Je n'ai pas le droit. À cause de ça, j'ai dit non. J'étais justement de vous distraire avec les histoires de l'horologie, de Jean-Marcel, parce que je l'attendais. Avant que je rentre droit dans le but du sujet. D'accord? Donc les esprits n'aiment pas quand vous allez faire quelque chose pour eux, vous êtes énervé. ou bien vous êtes palabré avec votre mari ou votre femme, ne le faites pas. On ne fait jamais un travail spirituel sous l'effet de la colère ou bien avec des souvenirs d'émotions négatives. Vous devez le faire avec la joie, la joie. Faites-le avec la joie, avec l'amour. Mettez votre cœur dans ce que vous faites là. Et les esprits voient ça aussi. Que notre fille ou notre fils, ce qu'il nous offre là, oh, ça vient droit de son cœur. Hein. Et c'est peut-être aussi important de vous rappeler que quand vous venez là, ne venez pas avec le plan de dire, moi je viens faire ça là. C'est parce que hein, moi j'aimerais que mes ancêtres là me donnent de l'argent. Ils savent, il ne faut pas venir du jour avec l'intention. C'est des humains. Voilà, ils savent. Vous dites simplement, j'offre ces aliments en honneur à mes ancêtres. Et c'est quand vous allez parler avec humilité, comme un enfant qui parle à ses parents, dit, ah, vous connaissez mes problèmes. Regardez, j'ai ouvert une affaire, rien ne marche. Les gens me détournent les sous. J'envoie l'argent au pays, les projets, ça n'aboutit pas. Je suis ici, j'essaie de trouver femme, rien. Les femmes là, elles m'escroquent. Ou bien, les hommes, c'est pour venir profiter de moi. Ah, moi je suis fatigué, je ne veux pas aussi aller chez les gangas, je ne veux pas aller dépenser mon argent par-ci, par-là. Donc maintenant, je viens profiter de vous parler. Pendant que je vous donne ce repas, c'est très important. Pendant que je vous offre ce repas et ces alcools-là que vous avez l'habitude de boire, je profite aussi de vous ouvrir mon cœur, s'il vous plaît. Acceptez tout ceci. Mais sachez que j'ai des soucis, moi aussi. J'ai plein de soucis. C'est pour ça que je profite de vous en parler. Mon idée n'était pas de venir vous dire ici, d'accord, je viens là à cause de ça. Non, non, non. Je vous donne cette nourriture, je vous donne ce vin. Amusez-vous. Mais aussi, vous connaissez, je suis votre fille, je suis votre enfant. Vous me portez. Et c'est là que vous profitez de penser surtout à la personne là qui vous aimait beaucoup. Et là, vous pensez à elle. Dites voilà. Regarde, depuis que tu es parti, parle un peu à tes frères là et à tes soeurs. Donc, adressez-vous personnellement à cette personne là parce que c'est elle qui vous aime le plus et c'est elle qui doit déclencher sa vie. Soyez, c'est très important. Il faut toujours avoir un complice parmi tous ces morts-là. Parmi tous ces ancêtres. Il faut avoir un complice. Mais si vous adressez à eux tous comme ça, ça va peut-être pas... Ça va agir, mais ça prendra du temps. Ça va boitiller. Mais par contre, si vous ciblez quelqu'un, c'est comme ce qu'on nous dit dans les arts martiaux. Pourquoi les arts martiaux, c'est assez exceptionnel qu'on dise que quelqu'un est capable de bastonner une jusqu'à 10 ou 15 individus. Mais parce que souvent, ils ciblent le plus fort du groupe. Et dès lors que vous avez détruit le plus fort du groupe, les autres vont se décourager. Vous remarquez ça dans les films. Hein. Le chef, voilà, le chef de gang, il a denté, il s'est fait bastonner. Les autres, maintenant, vont dire, si déjà, nous, le chef, on l'a tapé, nous, on va encore faire comment? Nous, ils sont obligés de fuir. Donc, c'est la même chose dans cette pratique ritualique ancestrale. Il faut cibler dans le groupe la personne à qui vous aviez trop des acquaintances. Celle qui était vraiment votre complice. Si c'était votre grand-père, pensez à lui. C'est à lui que vous allez cibler. Dit, mais toi, rappelle-toi toi aussi. Hein? J'étais heureuse quand tu étais là. J'étais cette fille gâtée. J'étais cette fille gâtée, ce fils gâté. Oui, Flore, tu as une question. Bah, c'est pour moi qu'on s'entendait mieux avec... c'était fusionnel entre mon père et moi. Heureusement qu'il n'y avait pas encore des histoires de viol. Il ne m'avait rien fait. Mais avec ma mère, je n'étais pas fusionnelle, mais j'étais beaucoup fusionnelle avec une tante à moi qui avait le même âge que moi, qui est morte pendant que j'étais ici. Wow. Oui. Donc, est-ce que je peux lui parler? Bien aussi, sûr. Chercher sa complicité. Pour voilà, c'est elle qu'il faut chercher la complicité. D'accord. Dans tout travail que tu vas faire, dans tout travail de rite d'ancêtre que tu vas faire, c'est elle qu'il faut fusionner le plus. Tu diras, elle est du côté de la mère, c'est ça? Elle, voilà. Du côté de la mère. Mais du j'ai aussi mon mère. Père hein, que je peux... Oui. Il peut autri, il doit aussi fusionner. Mais là, il faut les prendre individuellement. Il faut leur parler individuellement dans le rite. Du côté de ma mère, tante, souviens-toi. J'ai été attristé quand tu m'as quitté. Et tu sais que ce n'était pas de ma volonté. Pourquoi je suis resté là? Mais vraiment, tu es ma complice. Regarde ma situation. Jette un peu un regard dans mon business. Jette un regard un peu dans mes études. Est-ce que tu trouves que c'est normal? Vraiment? Maintenant, tu penses aussi au père, mais papa, souviens-toi, ceci, cela. Est-ce que tu trouves que c'est normal? Donc là, tu as ciblé des personnes complices. Et c'est là où tu leur diras, à la tante, tu dis, est-ce que c'est normal? Adresse-toi à tes soeurs, adresse-toi à ta mère, adresse-toi à ta grand-mère, à tous tes ancêtres, parce que tous, elle les connaît. Dans le monde invisible, ils se connaissent tous. C'est la même chose avec papa. Tu leur diras, voilà, tu es mon complice. Mais voilà, est-ce que tu trouves que c'est normal? Je t'en prie, toi, tu étais beaucoup plus mon complice. Mais s'il te plaît, transmets ce problème-là à ceux avec qui tu t'entendais bien. Voilà, le problème est jeté là-bas et puis ils vont s'en occuper. Oui. Oui, maître, dans ma famille, par exemple, les hommes étaient très puissants, mais les femmes étaient juste des femmes. Moi, j'avais un lien avec ma grand-mère. Ça, ma grand-mère, même les filles comme ça, ne connaissaient pas. Est-ce que dans ce cas-là, on dit qu'il faut souvent appeler les ancêtres qui étaient puissants, non, pas ceux qui ne savaient rien de qui a dit ça? C'est juste une question. Mais... Ouais. Les ancêtres. Oh, attends, je continue. Voilà. Okay. Oh. Les ancêtres sont les ancêtres. De leur vivant, qu'ils étaient puissants ou non puissants, les ancêtres sont les ancêtres. Est-ce qu'aujourd'hui tu vas négliger de rendre visite à un parent parce qu'il n'est pas vraiment puissant? Non, tu vas toujours aller vers le parent, vous allez toujours vous entendre. Oui. Maintenant, celui qui est plus puissant, ça c'est un plus pour toi, c'est tout. C'est la même chose. Il ne faut pas oublier que ce qui nous différencie ici, c'est parce qu'ils sont dans le monde tridimensionnel, ils sont dans un autre plan. Mais il faut considérer que c'est pareil comme sur la planète Terre. Il y a des humains avec qui vous entendez, il y a des rangs sociaux, il y a des gens qui ont des rangs plus influents. Vous pouvez fréquenter les gens qui ont des rangs plus influents, si vous avez les capacités, tout comme les gens qui n'ont pas de moyens. Moi, je ne vais pas rejeter ceux qui n'ont pas de moyens parce que simplement, ils ne sont pas forts, non, ou bien parce qu'ils sont pauvres. Non, non, non. Non, ce n'est pas ce que je veux dire. Je veux dire que, est-ce que nos parents, peu importe qui ils étaient, ils sont dans le monde des possibilités, ils ont les possibilités de nous aider. La réponse est oui. Parce que nous, nous sommes séparés, nous sommes trompés par la matière. Nous sommes trompés par la matière. Or, eux, ils peuvent pénétrer la matière et venir vers nous. Okay. C'est nous qui sommes bloqués, on ne peut pas nous retrouver de l'autre côté. Ah, et ceci est l'un des moyens par lesquels nous accédons leur monde. Mais par contre, simplement comme ça, on ne peut pas. Alors qu'eux, ils sont là, simplement cette barrière, elle est là, ils se disent, bon, on fait comment? Vous allez crier, oh, ma grand-mère Mbumba, oh, elle est là-bas, elle écoute. Moi, je fais comment, là? Moi, je fais quoi? Je vais intervenir comment? C'est ça. Et c'est pour cela que nous avons nos rites des ancêtres. C'est le moyen de connecter avec eux. Avec eux. Juste une question. Oui, voilà. En faisant le rite, mais en parlant aux parents, papa, maman, grand-mère, tout, mais moi, me connaissant, je suis très sensible, je pleure facilement. Alors, donc, comment... moi, je suis sûre que quand je vais parler tout, je vais chialer, oui. Non, au contraire. Je vous informe que la prière la plus efficace, c'est la prière qui est comment? Action de grâce, les larmes. Émotionnelle. Émotionnelle. Oui, ils sont très touchés. Même Dieu, hein? Ah oui, oui, même Dieu, lorsque vous le priez, là, notre Père et tout et tout. Mais mon Dieu, et surtout si vous faites la prière, souvenez-vous là, la prière de la chaise vide. Ouais. Et quand vous faites cette prière de la chaise vide, nous avons vu des cas où, oh papa, chose de mon corps. Comment tu vas voir mon problème comme ça? Et tu es là assis, hein? Je vais faire comment, mon Dieu? Toi aussi, regarde. Ah! Et j'ai vu des dames pleurer. On faisait